minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Monster. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU for Collin. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, prenez le comment maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que je ne vous réveille pas. C'est vrai que on est l'après-midi, hein. Il est 17h, mais nous sommes le 1er janvier. Donc hier, c'était réveillon. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon. Deux très bons réveillons, puisqu'il y a eu celui de Noël aussi. Je vous souhaite évidemment bien tout le meilleur pour cette nouvelle année 2022. Et nous sommes au rendez-vous, comme promis. Bon, je vous avais dit, hein, comme c'était un rendez-vous un petit peu particulier aujourd'hui, hein, 1er janvier, ça va être difficile de l'assurer en direct. Donc une fois n'est pas coutume, cette émission a été pré-enregistrée. Et si vous voulez tout savoir, je l'ai enregistrée le 24 au matin. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc moi j'ai passé des réveillons très très Planète Indie, hein. Donc pour cette année 2022, bah vous souhaitez évidemment beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, de la santé évidemment avec tout ce qui se passe depuis 2 ans. Et puis on va essayer d'enrober tout ça d'un peu de musique, de beaucoup de musique, de bonne musique. Donc on est reparti encore pour une nouvelle année. Nous en sommes à l'épisode numéro 438 de Planète Indie. Donc c'est vrai que bah ça commence à chiffrer, hein, ce nombre d'émissions. Ça fait maintenant quelques années qu'elle est diffusée sur cette fréquence ici, sur RGL. On est très très heureux d'être ici. Et puis tant que j'y suis, eh bien, vous nous retrouvez donc sur les ondes radio classiques de RGL. Vous nous retrouvez aussi via le site internet, soit celui de RGL, soit celui de Planète Indie. Et puis aussi sur l'offre câblée de télédistribution. Et je pense aussi en DAB+. Que dire de plus ? Eh bien, vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook. Il y a un groupe Planète Indie, donc venez nous rejoindre, ça fera plaisir. Alors, le programme pour ce début d'année, je pense qu'on est la première émission de 2022. Qu'est-ce qu'on va écouter ? On va écouter sur Underhill, on écoutera Anamé, on écoutera Jenny Reynolds. C'est tous des noms qu'on n'a pas encore eu beaucoup l'occasion d'entendre dans cette émission. On aura un powerplay, on ira faire un tour du côté du monde de la bande dessinée. Et puis aussi chez nos partenaires culturels. Pour l'heure, je vous propose de commencer le programme musical de 2022 avec Steve Janek, un morceau qui n'est pas vraiment d'actualité puisqu'il s'intitule Summer Days, mais ça viendra, il n'y a pas de doute à se faire là-dessus. Et puis après, une autre nouveauté, ce sera Tabea avec Amy. Allez, encore une fois, meilleurs vœux pour cette année 2022. Et puis, c'est parti pour la musique. Searching a long time, always looking for something to find. Faded light still got their shine. I'm just hanging out, thinking about those good times, like summer days. Just fade away, the summer days. summer days. The summer days. Watch them fade away, fade away. Watch them fade. See me standing here holding on. Waves crashing at the break of dawn. I hear your voice inside my head. I'm just hanging out, thinking about what you said. Like summer days, the summer days just fade away. The summer days, the summer days, the summer days. Watch them fade. Thank you. Hey, this is Larry from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Elijah Tucker, and you're listening to Planet Indie. Hi, we're Lily Sparks. Voilà, ça bouge pas mal en ce début d'année. Hein. C'était à l'instant le tout nouveau single du groupe Skittish. Il s'intitule House of Fire. Avant cela, eh bien, c'était une jeune artiste d'origine portugaise. Elle s'appelle Tabea. Elle nous interprétait le morceau Amy. Et pour commencer le tout premier morceau programmé en cette année 2022, eh bien, c'était Steve Yannick qu'on avait découvert il y a quelques mois de cela. Je pense que c'était il y a 2 ou 3 mois, pas plus, en tant que powerplay. Avec son album. En parlant de powerplay, eh bien nous, on va y aller d'ici quelques minutes. Ça va nous emmener eh bien, du côté des États-Unis, dans l'État de New York. Avant cela, je vous propose d'écouter encore un autre morceau. C'est celui de Fascination Curve, un nom assez particulier, un morceau complètement dédié eh bien, à ce qui nous perturbe depuis 2 ans. L'album, oui, c'est plutôt un EP puisqu'il n'y a que 5 morceaux dessus. L'EP s'intitule Corona Time in America et on écoute Somewhere, Somehow. Je vous rappelle le nom du groupe, Fascination Curve. Thank you. this yesterday. Today was just right here, and then so far away. And is this loneliness, or is this peace? We'll know sometime, somehow, somehow, somehow, somehow. We'll know sometime, somehow, somehow, somehow, somehow. Are you still there, or has this become tomorrow? It's getting hard to know what's here and what is there. And is this happiness, or is it sorrow? Time can't be borrowed, and time isn't fair. Time can't be bothered, 'cause time doesn't care. Some trying, un peu de sonorité pop-rock, prog-rock je voulais dire, rock progressif, ça fait du bien et la caractéristique des morceaux de rock progressif c'est souvent qu'ils durent très longtemps et celui-ci eh bien, ne fait pas exception à la règle puisqu'il dure pas loin de plus de 7 minutes. Je vous rappelle le nom du groupe, Fascination Curve avec un EP inspiré du Corona puisqu'il s'appelle Corona Time in America. Et on va rester malheureusement encore un peu dedans avec notre power play. Vous allez comprendre tout de suite, notre powerplay, c'est l'album A Sign From God du groupe Escuela. Alors A Sign From God, c'est un album eh bien, qui a une histoire et c'est aussi un pur produit de la pandémie. En effet, l'une des têtes pensantes du groupe, John Finn, se trouvait chez lui frustré des conséquences de la pandémie. Impossibilité de rencontrer ses amis et les autres membres du groupe, impossibilité d'enregistrer et de se produire en concert, et puis surtout, aucune perspective en vue. Combien de temps tout cela allait-il durer ? Et dire que son studio flambant neuf qu'il avait à la maison était réduit au chômage technique. Quelle frustration ! On imagine bien. Eh bien, du coup, il s'est dit qu'il allait relancer la machine et enregistrer de son côté deux ou trois trucs. On était le 15 mai 2020. Alors qu'il s'apprêtait à enfin débuter la première prise du premier morceau, pas de chance, un orage formidable s'est abattu sur Bovina, là où il réside, dans l'état de New York, donc, et a amené une panne électrique dans toute la vallée. John en était là, assis dans le noir, éclairé à la seule lumière de son ordinateur portable, attendant que le courant revienne et espérant qu'il ne fallait pas voir dans cette suite de contretemps, quoi donc, je vous le donne en mille, un signe de Dieu. Un sign from God. Au moins avait-il fait un premier pas en avant puisqu'il venait de trouver le titre de son album, enfin de cet album, Sign from God. Le premier extrait eh bien, qu'on va écouter dans cette première émission de 2022 s'intitule What's Your Problem ? Un morceau écrit en réaction eh bien, à l'agitation sociale qui s'est fait jour à l'été 2020. Et Finn a trouvé l'inspiration pour cette chanson quand il s'est dit que tant que les gens ne se lèvent pas pour dire que le racisme, par exemple, n'est pas juste ou honnête, rien ne changera vraiment, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. A Sign From God, album Powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Et je vous rappelle le nom du groupe, il s'appelle Escuela. Allez, on les écoute pour un premier extrait dans cette émission numéro 438. Powerplay. Down on someone else. vous rappelle que vous écoutez Planète Indie. Nous sommes le 1er janvier 2022. C'est l'épisode numéro 438. Nous sommes exceptionnellement enregistrés, donc pas en direct. Et, vu les circonstances, évidemment, c'était un peu difficile de venir le 1er janvier pour vous proposer cette émission. Mais j'espère que vous appréciez quand même la programmation musicale d'aujourd'hui. À l'instant, après le groupe Powerplay Escuela, on écoutait donc Aname avec un morceau intitulé Rise Up. Avant de poursuivre en musique, eh bien, passons en revue, s'il vous plaît, si vous le voulez bien, la programmation de notre partenaire de la Rockale pour ce mois de janvier. Le programme débutera le 15 janvier avec la représentation de Carbina Burana. C'est le samedi 15, donc dans 15 jours exactement. Le 19, un mercredi, ce sera de la pop française avec Essayer. Le jeudi 20, c'est la rencontre des membres du Rock Lab. Donc si vous êtes membre, vous pouvez y aller gratuitement. C'est des rencontres entre des artistes et des professionnels du monde de la musique. Ça se passe au Rock Lab au Rockal Café et il reste encore quelques petites places, en tout cas à la date d'enregistrement de cette émission. 22 janvier, Lata Gouveia, c'est de la musique pop. Le 24 janvier, du rap pour ceux qui aiment ça avec Lil Tekka. Et puis les deux spectacles du 27 janvier, jeudi 27 janvier, donc les musiques de Thriller ainsi que le Rap Again de Lone Psy, eh bien ces deux concerts sont annulés. Ce qui nous emmène au 29 janvier, il y a deux représentations de divertissement de Pat Patrouille. Et puis on arrive le 3 février avec Dadju, le 4 le ballet du festival de Saint-Pétersbourg avec Dornhäuschen. Et ce qui m'amène aussi à vous dire que bien notre prochaine émission sera donc le samedi 5 février. Et puis tant qu'on y est, on va avec le 6 février voir Alban Ivanov. Voilà, et puis pour la suite de la programmation, eh bien, on verra en temps voulu. Pour plus d'informations, pour acheter des tickets, vous allez simplement sur le site de Rala Rockal, www.rockal.lu. Et puis tant qu'on y est dans les annonces de la Rockal, eh bien, la Rockal annonce déjà, je vous avais déjà parlé il y a quelques émissions de cela, ça fait au moins deux émissions que je vous parle des partenariats entre la Rockal et le comité, ou en tout cas l'organisation de Esch 2022, capitale de la culture. On a parlé de la venue des Black Eyed Peas, on a parlé de la venue, je ne sais plus l'autre groupe qui... ça me revient, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça ne va pas. En tout cas, on annonce un troisième grosse tête d'affiche avec l'Open Air Belval le 10 juillet 2022 et on annonce la venue du groupe Les Killers. Donc prenez date, je pense que déjà que les billets sont déjà en vente. Oui, ils sont en vente depuis le 22 décembre à 10h. Donc si ça vous intéresse, eh bien, ne tardez pas, parce que je pense que ça va partir assez vite. Nous poursuivons en musique et nous irons voir le programme de nos autres partenaires un peu plus tard dans cette émission. On poursuit donc en musique avec Surrender Hill, I'm Gonna Get It Right. Et puis après, ce sera Mala Oreen et un morceau intitulé Threshold. Under the stars again tonight, holding my baby tight. I'm gonna stick around, this time I'm gonna get it right. Met her in her hometown, I was drifting and a bit broke down. Came in out of the rain, looking for shelter, bar on my second round. Came walking in like a sunny day, and all the weight just floated away. Now I'm not feeling the rain, no, I'm not feeling the rain. I'm under the stars again. talking about all of the walking we both done and how the past keeps weighing us down. Straight out of a double, all of our troubles fell from the bar stool and crumbled on the ground. I'm under the stars. Where my life Voilà, elle s'appelle Mala Oren, ou Oren, je ne sais pas trop comment il faut prononcer. Elle nous interprétait un morceau intitulé Threshold. On va poursuivre avec les voix féminines avec Jenny Reynolds, Any Kind of Angel. Mais avant cela, je vous propose d'aller faire un tour rapide sur la programmation de la Culture Fabrique. Ça va être rapide, comme je vous disais, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et d'autant plus, il y a un des spectacles qui est annulé, celui du 29 janvier, qui devait se tenir à 20h. La musique expérimentale et psyché-rock de Radar Man from the Moon, eh bien, c'est annulé. Ce qui n'est pas annulé, pour l'instant, en tout cas pour l'instant, c'est le spectacle, le concert hardcore, trans-rock, mat-rock du jeudi 13 janvier à 20h, We Have the Keys, avec en première partie Ni, un groupe français, Aya, un autre groupe français, et Kaiju Ultra. Alors, le 27 janvier, il y aura la musique indie-rock de Bruns, ou BRNS, je ne sais pas comment il faut prononcer, support LQRQ, je ne sais pas non plus comment il faut prononcer, je ne les connais pas, ces deux charmants musiciens ou groupes. Vendredi 4 février à 20h, du post-punk avec Whispering Sons. Et puis le 8 du 2, ce sera Little Tybee et Aiming for Enreich. Je vous rappelle que notre prochaine émission, l'épisode numéro 439 de Planète Indie, se tiendra donc le samedi 5 février. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier. Vous écoutez Planète Indie entre 17h et 18h30, comme chaque premier samedi du mois. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je vous rappelle, comme on est le 1er janvier, eh bien, cette émission est pré-enregistrée. Une fois n'est pas coutume. Que vous dire de plus ? Vous pouvez nous retrouver sur Internet, www.ilovemusic.gq, c'est notre site Internet. Vous pouvez retrouver donc le lien aussi pour écouter notre émission en streaming, ainsi que les podcasts de toutes les émissions, je dis bien toutes les émissions, depuis que RGL, diffuse Planète Indie. Donc ça nous ramène déjà presque 10 ans en arrière. Il faudrait que je vérifie, mais pas loin de 10 ans en arrière. Donc vous pouvez retrouver vraiment toutes les émissions depuis cette époque, ainsi que les archives des playlists aussi. Donc si vous retombez là-dessus sur une émission avec un artiste que vous aimez, vous pouvez de toute façon retrouver de qui il s'agit. Et puis en parlant d'artistes, eh bien, il y en a beaucoup qui sont dans notre groupe Facebook, donc vous pouvez même directement communiquer avec eux si vous nous rejoignez sur Facebook. C'est pas difficile, vous tapez Planète Indie dans Facebook avec Planète écrit à la française, hein, avec un E au bout. Et puis bah, voilà, vous rejoignez la groupe de potes et puis c'est parti pour l'aventure. Allez, on écoute Jenny Reynolds, Any Kind of Angel. Sky won't let go. Sing. keep their promise, feel the wind, but the sky won't let go. Send me any kind of angel when I'm crying. I want someone to know. Clouds come, they don't keep their promise. Feel the wind, but the sky, she won't let go. Elle a une très belle voix, c'est très bien produit, c'est très lisse. Elle s'appelle Jenny Reynolds, Any Kind of Angel, envoie-moi un ange, quel qu'il soit. C'était le titre de sa chanson et qui sait, son album fera peut-être partie de la liste des Powerplay pour cette année 2022. D'ailleurs, l'album s'intitule aussi Any Kind of Angel. Pour l'heure, eh bien, revenons sur notre Powerplay du jour, l'album A Sign from God du groupe SQLA. On va découvrir la suite des aventures de l'enregistrement de cet album. Souvenez-vous, on en était resté tout à l'heure à cet orage foudroyant qui avait coupé le courant dans toute la vallée de Bovina en cette soirée du 15 mai 2020. Loin de baisser les bras, eh bien, l'ami John décide alors de brancher son équipement d'enregistrement sur son système électrique de sauvegarde qui fonctionne à l'énergie solaire. C'est ainsi qu'il parvient à enregistrer les premières prises uniquement avec le chant et la guitare acoustique. Petit à petit, eh bien, il parvient à mettre de côté quelques nouvelles chansons. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, il expédie les enregistrements au producteur Eric Roscoe. Celui-ci les fait à son tour parvenir aux différents musiciens du groupe qui ont ainsi pu se mettre au travail chacun de son côté. Les premiers enregistrements ont donc commencé le 15 mai et la veille de la fête de Thanksgiving, la phase de mixage a été réalisée par Eric Roscoe accompagné de Marco Ville en studio, tandis que les membres du groupe étaient connectés à distance, si ce n'est pendant l'après-midi du 3 juillet où tout le monde s'est retrouvé pendant quelques heures de pré-production, eh bien, les artistes ne se sont pas rencontrés du tout et tout s'est fait à distance. Cela a le mérite d'être souligné. Ils n'ont même pas eu le temps au cours de cet après-midi de faire une photo pour la couverture de l'album. Du coup, eh bien, ils ont pris contact avec une artiste, Kate Burrascano, pour la charger, eh bien, de faire leur portrait dans une illustration humoristique. Et c'est cette illustration humoristique que vous retrouvez comme photo de couverture de l'album. Pas sur le mien parce que j'ai dû avoir une version avant la sortie officielle du CD. Donc moi, je n'ai pas du tout ce dessin sur la couverture mien. Mais bon, sur la version officielle, il y a la représentation, le dessin des membres du groupe. Allez, second extrait qu'on va écouter aujourd'hui, « Not in my backyard ». C'est la plage d'ouverture de l'album qui évoque, eh bien, l'hypocrisie de l'humanité vis-à-vis du changement climatique et de notre impact sur Terre. Ben, c'est une expression quand même assez connue et le titre veut dire que, eh bien, les gens sont toujours d'accord pour les actions et pour le changement, pourvu que ce soit les autres qui changent leur habitude. Ben oui, c'est le principe des éoliennes, hein. Tout le monde est pour les éoliennes, mais si ce n'est pas dans son propre jardin ou dans la propre vue qu'on a depuis ses fenêtres. Ouais. Moi, personnellement, la vue des éoliennes ne me choque pas plus que ça. Je ne trouve pas ça totalement moche. Mais bon, allez, on les écoute. Not in my backyard, c'est le second extrait de l'album de SQLA, A Sign from God. C'est notre Powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. power play. Something in the air that made me smile. tomorrow they take off. In December, I promise I'll be back. À l'instant, on écoutait Manish Boy, Falling Back to You, Merry Christmas. Bah oui, c'est d'actualité puisque je suis en train d'enregistrer cette émission pour vous la présenter le 1er janvier et nous sommes le matin du 24 décembre. Comme ça, vous savez vraiment tout. Et puis, en parlant de vraiment tout, je vous avais tout dit lors du deuxième chapitre des aventures du groupe Escuela et de l'enregistrement A Sign from God. Je vous disais que j'avais probablement pas la version officielle de l'album. Enfin, c'est une version qui vient de chez eux, hein, vous tracassez pas. Elle m'est arrivée par des canaux officiels, mais c'était avant la phase finale, donc c'est probablement pas la version final. Désolé pour les petits problèmes techniques, les sauts sur le CD. Voilà, le CD est probablement pas, comme je vous disais, la version complètement terminée. Mais bon, voilà. Pour l'heure, qu'est-ce que... Oui, ben on va écouter encore un morceau. Lady Psychiatrist Booth avec Neighbor. Et puis après, ce qu'on va faire, eh bien, nous partirons, comme on le fait chaque mois dans le monde de la bande dessinée, pour découvrir eh bien, l'album, la bande dessinée du mois. Elle va nous emmener de nouveau aussi dans les plaines de l'Ouest américain. Je ne vous en dis pas plus, rendez-vous dans 4 minutes pour la découverte de la BD du mois. Hi, this is Arda and the Stolen Moon, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Selena Martin, the person, and this is Planet Indie. The station. Hey, this is Cliff of the Pink Dust, and you're listening to Planet Indie. Alors, petite inversion de programme, c'est pas Lady Psychiatrist Booth qu'on écoute, c'est Tasha E. Miyake avec You. Yeah, I'm learning. Voilà, petite inversion dans la programmation. On écoutera Lady Psychiatrist Boost tout de suite après, eh bien, la capsule BD qui vient pour l'heure. Alors, aujourd'hui, elle nous emmène dans le Grand Ouest. L'album s'intitule « Go West, Young Man ». Je vous en fais le résumé. L'aventure se termine, oui, je dis bien, se termine. En 1938, le Seigneur Sanchez vit au Nouveau-Mexique, mais est contraint de mettre en vente son ranch, ses chevaux et tout ce qui lui appartient afin d'apurer ses dettes et de recommencer une nouvelle vie. La seule chose qu'il emporte avec lui, c'est une montre à gousset en or. Bien qu'elle ne lui ait pas particulièrement porté chance, il est conscient qu'elle a une histoire, mais surtout des histoires à raconter. En 1763, elle est la propriété du major Trenton, dit Deux Paroles. Alors que les tribus des Grands Lacs tentent de reconquérir les terres que les Anglais ont omis de leur restituer, la petite escadre dirigée par l'officier dépose deux cadavres infectés par la variole dans le campement des Indiens, mais tombe dans une embuscade. Leur chef, un regard, prend possession de la montre, mais son peuple va peu à peu disparaître, victime de la maladie de l'homme blanc. Au fil des ans, la Toquante voyage vers l'ouest et passe de main en main, d'un trappeur à un cavalier du Pony Express, d'un sergent de l'Union détrousseur de cadavres à un toubib de cabaret plein de scrupules. Elle a même passé la frontière mexicaine pour se retrouver mêlée à la révolution de Pancho Villa. Bien que ce western mette en scène tout le panel des acteurs traditionnels de l'imaginaire collectif, il est présent de manière moins conventionnelle, manichéenne qu'habituellement. Il n'y a pas de bon ou de méchant, mais chacun porte en lui, à des degrés différents, une part d'ombre et de lumière. On meurt beaucoup et violemment, mais tout le monde y passe. Pas seulement les bandits, soldats, révolutionnaires, peau rouge, mais aussi les fermiers, les femmes ou les enfants. On échappe aussi au cliché gnangnan de coucher de soleil dans le désert de l'Arizona avec ses sagaros, de cow-boys chevauchant au rythme de l'harmonica et de chercheurs d'or dépensant la moindre pépite en tournée générale de whisky au saloon. Il est vrai que la gageure de caser 14 historiettes en un peu plus de 100 pages n'autorisait guère ce genre de digression. Autre rupture, l'objet associé à la conquête de l'Ouest se compose rarement d'un remontoir et d'aiguilles, c'est plutôt d'une gâchette et de cartouches. Du coup, cette montre apporte un peu d'humanité et de civilisation dans l'univers rude, âpre et boueux des colons, de la guerre civile et des guerres indiennes, des desperados, des prostituées, mais aussi des simples gens qui croisent sa route. Face à cette compilation de cheminement d'une pléiade de contributeurs, puisque le scénariste est unique, hein, c'est Tiburce Auger, mais pour chaque histoire, eh bien, il y a un dessinateur différent. On aurait pu craindre de se trouver en présence d'un melting pot hétéroclite de style relié par ce seul fil rouge horloger. Le résultat dégage au contraire une étonnante impression de cohérence. Les traits graphiques variés, il y en aura véritablement pour tous les goûts, permettent de structurer et de compartimenter les différents chapitres de l'épopée. Les transitions sont aisées et le lecteur restitue avec facilité le contexte et les protagonistes entre l'un et l'autre, aidés si besoin en était par les cours à propos en début d'épisode, si ce n'est pour le premier passage où les références temporelles est beaucoup plus longue et c'est moins aisé de s'y retrouver entre l'histoire 1 et l'histoire 2. Mais bon, en conclusion, moi je dirais que l'histoire ne dit pas si la montre provient de Suisse pour traverser sans encombre les années, les miles et les péripéties multiples, mais elle illustre à merveille cet état d'esprit américain qui glorifie comme héros ceux qui prennent leur destin à bras-le-corps et tracent leur propre chemin, quel qu'en soit le prix. Au-delà d'offrir un grand moment de plaisir, ces récits déclenchent toute une gamme de sentiments et abordent des thèmes qui sont encore, pour certains, pleins d'actualité. Le mythique western revient au goût du jour et cet album de haut vol et de grande dimension lui rend un magnifique hommage qui pourrait même plaire à ceux que le genre laisse froid. Voilà pour cet album dont le titre est Go West Young Man. Il est récent, il vient de sortir au mois de novembre. Il est sorti chez Grand Angle et donc, je vous le disais à l'instant, le scénariste est Tiburce Auger. Et au dessin et aux couleurs, on trouve bien une pléiade de dessinateurs et souvent des spécialistes du genre. On trouve même Paul Gastine, dont on avait parlé il y a quelques mois de cela. On avait découvert son album jusqu'au dernier. C'était aussi une histoire de western. Allez, c'est parti pour cette fois-ci Lady Psychiatrist Booth avec Neighbor. so much. I guess that's what they call a crush. Excuse me, but please don't freak out. I just got lost in your house. There's nothing to fear. Objects are closer than they appear. You're just a neighbor, but I'm watching you close. And every morning I'm driving by slow, just to see you a little clearer. Take a picture in the rearview mirror. You're just a Just a Neighbor. Neighbor, c'est le titre de ce morceau de Lady Psychiatrist Booth. Pour être tout à fait complet sur la BD Go West Young Man, je vous mettrai la couverture dans notre, en illustration dans notre groupe Facebook, ainsi que la conclusion de ma fiche. Et puis la fiche sera disponible aussi sur notre site internet. Allez, les 18h15, on doit encore aller sur une troisième fois sur notre album Powerplay, l'album A Sign from God de Escuela, donc on va écouter un troisième extrait. Et donc, dernière partie des aventures musicales du groupe et de cet album enregistré et produit quasiment entièrement à distance. Je vous disais donc tout à l'heure que les membres ne se sont pas rencontrés pour cette réalisation, ni non plus. Nous non plus, nous ne les avons pas rencontrés. Voici donc venu le moment de faire leur connaissance. À la tête du groupe... De ce groupe d'Americana Indie, on trouve John Chicoffin, dont on a parlé déjà précédemment, qui a lancé toute cette aventure pour cet album. Il est le compositeur et le chanteur. À ses côtés, on trouve la sublime Rebecca Fame au chant, Keith Christopher à la basse, Brian Schaefer à la guitare, Matt Woodin aussi à la guitare et à la mandoline, et enfin Mike Ricciardi aux percussions. Cet album est sorti le 25 juin dernier. Il comprend 10 morceaux et c'est le 5e album studio du groupe. Le précédent datait déjà de 2017. Il était donc grand temps qu'ils reviennent avec cette production. Les thèmes, on en a parlé un tout petit peu, ils abordent les sujets que les musiciens soulevaient au cours de leur conversation pendant ces longs mois de pandémie en 2020. Essentiellement le racisme, les violences sexuelles et le changement climatique. On va donc prendre congé de John et de ses potes d'Escuela, non sans écouter un dernier morceau. C'est un peu différent du reste de l'album dans la mesure où il ne se penche pas donc sur l'un de ces thèmes contemporains dont je viens de vous parler, mais il nous ramène à un épisode tragique de la Deuxième Guerre mondiale. Si je vous dis qu'il s'intitule Oradoura, eh bien vous voyez normalement directement de quoi on parle. Il s'agit de ce petit village martyr d'Oradour qui a été entièrement détruit par les nazis à la fin de la guerre et dont tous les habitants ont été tués et, si je ne m'abuse, ils ont été fusillés, sans raison apparente, de la pure violence gratuite. Oradoura, c'est le troisième extrait de cet album Sign from God d'Escuela et on va espérer que le morceau va passer un peu mieux que le précédent avec les petits sauts qu'il y a eu, désolé. Power play. Power play. Power play. Life. C'est assez court, hein. C'est la dernière production de John Park et de FRS Records. Ça s'appelle The Electric Flea Show et le morceau s'intitule Other Than That. On a encore un peu de musique à écouter, on a encore quelques minutes devant nous. Je dois encore vous faire une autre communication, puisque le Rock Lab et le Luxembourg City Festival sont de nouveaux partenaires pour la nouvelle édition du festival donc de cinéma que nous suivons aussi. Et il y a toujours cette soirée de vidéo musicale pour laquelle eh bien, les groupes, les artistes et les réalisateurs peuvent participer. Alors toutes les applications, parmi tous les candidats, eh bien, le comité de sélection de Lux Film Festival eh bien, va choisir une sélection de clips qui seront présentés sur grand écran au Ciné Utopia. Ça se passera le 11 mars 2022, mais pour ça il faut vous dépêcher, vous avez jusqu'au 10 janvier pour envoyer votre candidature. Pour cela, eh bien, allez sur le site du Rock Lab ou sur le site du Lux Film Fest et vous trouverez toutes les infos utiles. Nous poursuivons en musique avec Echo Bloom et un morceau intitulé « Wake ». Raccourcir un tout petit peu le morceau d'Echo Bloom, je vous promets on le réécoutera une autre fois en entier sans les couper, parce qu'on doit encore écouter Nicky O'Neill avec All I Wanna Be Is Yours. Ce sera avec ce morceau qu'on va clôturer cette première émission de Planet Indie en 2022. C'était l'épisode numéro 438. J'étais très heureux de passer 7h30 en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. Elle va donner le ton pour toute cette année 2022. C'est toujours, comme vous le savez, assez varié. On va dans les genres, dans les styles, on voyage géographiquement. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez nous contacter via Facebook notamment. Et puis notre site internet, c'est www.ilovemusic.gq. www.ilovemusic.gq. Ben voilà, je vous souhaite encore tout le meilleur pour cette nouvelle année 2022, surtout la santé, mais aussi, eh bien, pourquoi pas, l'amour, la réussite professionnelle ou autre. Enfin, la réalisation de vos rêves. Nous serons de toute façon là, comme toutes les précédentes années, chaque premier samedi du mois, entre 17h et 18h30, pour vous présenter le meilleur de la musique indépendante et de la musique alternative. Rendez-vous donc pour la prochaine émission le 5 février. Et donc on se quitte avec Nicky O'Neill, All I Wanna Be Is Yours. Allez, d'ici là, bon week-end, portez-vous bien et à très très bientôt. As thick as bayonets, my boots are heavy on this road of ancient hurts and old regrets. But in the dust, there is a song that walkers sang to face their fears. I feel its rhythm in my breath. It's like I've heard it. Waiting for a seer, break the chain.